Chapitre quatrième. Toute la petite classe, d'une seule voix, avait opposé un front de fer et un veto résolu à l'excursion de Montréal. Longtemps avant Palerme, la question s'était posée et avait fait l'objet d'un sérieux débat. Judith, qui ne connaissait pas la Sicile, avait consulté de Boyne sur l'emploi de leur journée d'escale. Boyne, qui inclinait tout d'abord pour ses guests, en apprenant que toute la bande, y compris Chip, devait en être, avait indiqué Montréal comme un but plus accessible. « Et c'est tout aussi beau ?» demanda Judith. « Une des plus belles choses du monde, quand il n'y aurait que les mosaïques. » Elle joignit les mains en extase. « Il faut y aller. Nous ne connaissons rien. » « Et moi qui croyais que vous ne faisiez que voyager ?»« Oui, mais qu'est-ce qu'on nous fait voir ? Des palaces et des sleepings. » « Papa n'emporte jamais un guide. Il demande au portier ce qu'il y a à voir et quand il s'agit d'y aller, il y a toujours un empêchement. » Il faudra tout nous montrer, tout. Eh bien, pour commencer, nous verrons Montréal. Mais ce n'était pas l'avis de la petite classe. Le hasard voulut que Miss Cope déterra dans un coin du bateau un vieux Baedeker et que sa mémoire rafraîchie, lui rendant de vagues réminiscences d'anciens élèves à elle, lui fit retrouver le nom d'un certain jardin princier contenant je ne sais combien d'hectares d'orangers toujours fleuris et pleins d'oranges. Elle y avait conduit jadis les 10 élèves, qu'on avait laissé ramasser des oranges à pleine poche, sur quoi le petit parlement avait voté comme un seul homme pour les jardins d'Aumale. Il y avait des moments où Judith, en dépit de toute son influence, se trouvait débordée et devenait impuissante devant les rangs serrés de l'opposition. Cette fois, raisonnement, persuasion, rien n'y fit. Il fallut que Terry y mît du sien. Le petit homme, qui se tenait pour le chef de la bande, se crut obligé par là d'être le plus raisonnable et fit observer que Judith, qui avait tous les embêtements, avait bien le droit en revanche de se promener où bon lui semblait. Là-dessus, Bun se prépara à hurler, et cette petite peste de Blanca dit aigrement que le sacrifice était généralement un moyen de n'en faire qu'à sa tête. « Eh bien, essaye, voir !» répliqua sévèrement Terry, et la petite rougit sous sa peau délicate comme si elle avait reçu un soufflet. « Sale bête, tu sais bien ce que je voulais dire !» Beachy, éclatant en sanglots au spectacle de son frère en détresse, lui frottait tendrement la tête contre sa poitrine en murmurant « Zitto, zitto, carissimo, cuor mio » et en poignardant du regard les deux grands. « Moi, je suis pour qu'on aille où ce qu'on mange des oranges, » trancha Zini de sa voix aiguë d'américaine, dont le fil semblait peler le fruit. « Ou alors à la place, on aille quelque part où ce sera encore plus amusant, na !» Boyne se mit à rire et Judith ajouta, d'une voix découragée, « Je vois que les oranges auront le dernier mot. » Terry proposa un compromis. « Tiens, Judith, les petits brûlent de savoir la fin de l'histoire que tu leur racontais. Tu sais, cette histoire de l'ancien temps, où il y a ces deux enfants qui n'avaient jamais vu d'auto. Ils en ont soupé des avions, des machines, des rayons X, de la TSF. Eh bien, on ira là où tu en as envie. Seulement, tu vas nous promettre la fin du conte et on aura du chocolat pour le goûter. » « C'est ça, et des oranges. Moi, je me charge des oranges. » dit Boyne. « Il y a un jardin près du cloître. Je demanderai la clé. On pique-niquera. Ce sera charmant. » « Mais des masses de oranges, » stipula Zini d'un air calculateur, tandis que Beachy tamponnait avec le coin de son tablier les larmes de son frère déjà consolé, lequel s'échappait en faisant la roue sur les pieds et les mains et en glapissant à tue-tête. « N'orange, n'orange, n'orange !»« C'est bon. D'ailleurs, je m'y attendais. » murmura Blanca, dardant ses yeux gris sur Boyne. Judith triomphait et, prenant le bébé dans ses bras, déclara « Et puis, Chip veut aller à Montréal. » « Oh, alors du moment que Chip le veut, » fit Blanca en abaissant des paupières résignées. Par bonheur, une dispute s'éleva entre les trois moyens, sur le point de savoir si l'on dit orange ou n'orange. Profitant de cette diversion, Judith et Miss Cope firent avec Boyne le plan de l'expédition. Et le lendemain matin, quand le paquebot stoppa en rade de Palerme, toute la bande se pressait en tête des passagers qui s'embarquaient sur le transbordeur. Maintenant, couché tout de son long sur un banc de pierre, au soleil, Boyne écoutait, les yeux mi-clos, une petite voix sérieuse et plaintive qui déjà lui remuait le cœur. Amadoué par un pourboire, le custode leur avait ouvert le jardin de la cathédrale et des parterres de l'avant tout assoupis sur leur terrasse au-dessus des vergers d'orangers. Au bout de la plaine, les montagnes plongeaient leurs degrés de saphir pâle dans le saphir plus dense de la mer, sur lequel flottaient les dômes et les tours de la ville. Au premier plan, en pleine lumière, la jeune fille était assise avec toute la marmaille en grappe à ses genoux. Plus loin, discrètement, l'institutrice et la nounou surveillaient, tout en tricotant, le panier du goûter, et la petite voix disait. Quand Polycarpe et Lulabi, dans la Victoria au cheval blanc, rentrèrent au palais de leur mère, voilà qu'ils virent la peau de zèbre qui servait de tapis, qui s'était mise sur ses pattes et broutait les bouquets du salon et les perroquets jaunes du papier qui s'était échappé et qui mettait tout sens dessus-dessous en dispersant leurs graines sur le parquet. Mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est que le coucou de la chambre d'enfant s'est envolé à son tour et que les bonnes ne savaient plus l'heure ni à quel moment il fallait coucher et lever les enfants. « Chouette alors, » dit Bonne, « vous n'y êtes pas, » reprit la voix sévère de Judith. Ce fut pour les enfants un grand malheur, le plus grand malheur qu'il leur fût encore arrivé, parce que la cuisinière non plus ne savait pas l'heure, et comme personne n'était là pour la lui dire, il n'y avait plus de déjeuner. Et un beau matin, la cuisinière se sauva sur le zèbre parce qu'il n'y avait pas d'autre voiture et qu'elle n'avait plus qu'à se tourner les pouces. Ils n'avaient qu'à se plaindre à leurs parents, fit Zinnie, de son air de petite personne pratique. Mais non, ils ne pouvaient pas, puisque c'en étaient des nouveaux qui ne connaissaient pas le coucou, dit Bun avec autorité. Alors ils n'avaient qu'à retourner chez ceux d'avant, répliqua Zinnie. Ils ne pouvaient pas non plus, puisque Sally Manther, l'amie de leur ancienne maman, n'était pas assez grande pour les y mener tous, reprit Bun, intrigué par ce qui allait suivre. Non, Sally n'était pas assez grande pour les prendre tous sur son dos et les emmener avec elle. Mais je suis sûr, continua Judith, que les seconds parents n'auraient pas demandé mieux que d'être très gentils, si les enfants, de leur côté, avaient eu un peu de patience et avaient su s'y prendre. C'est seulement les premiers jours que ça allait un peu de travers, et puis d'ailleurs, autant que je vous parle, les parents étaient en voyage. Eh bien, et le téléphone? Il n'existait pas dans ce temps-là. Allons donc, on dit ça dans les livres, dit Zinnie, très sceptique. Tu es bête. Quand Scopie était petite, ajouta Terry, il n'y avait pas le téléphone chez elle. Beachy, toujours sensible, se prépara à donner quelques larmes à l'infortune de Scopie, mais celle-ci intervint avec sévérité. « Pas de ça, Béatrice. Ne vous mettez pas à faire votre italienne. » Et la narratrice poursuivit. « Alors, les pauvres enfants n'ont plus eu à manger. »« Ah, je vois. Ils sont morts de faim, poverini. » gémit Beachy, levant au ciel deux petits bras de cuivre dans un geste de commisération. « Pas encore, car voilà qu'il rencontre à la lisière de la forêt. »« Quelle forêt? Il n'y en avait pas tout à l'heure, » coupa aigrement Zinnie. « Il y en a une à présent, parce que tous les arbres et les fleurs du papier avaient émigré à leur tour et s'étaient plantés dans le jardin où ils s'étaient mis à pousser afin que les perroquets trouvent de quoi nicher et que les zèbres... »« Les zèbres? Tout à l'heure, il n'y avait qu'un zèbre !» Cette remarque sardonique fut faite par une Blanca froide et indifférente comme une grande personne. Sotte, tu ne vois donc pas que le zèbre s'était marié et qu'il avait déjà un tas de charmants orphelins et trois petits bés comme nous et que Madame Zèbre avait aussi de la famille et même deux familles, expliqua Zinnie en comptant sur les petites quenelles qui lui servaient de doigts. Ce qu'il devait être content, le zèbre. Et les petits zèbres, ils ne se sont plus jamais séparés, dit Judith. Bien sûr que non. Zinnie, je te défends de dire sotte à Blanca. Mais cela n'empêche pas que Polycarpe et Lulabi mouraient de faim, parce que le coucou ne marchait plus et que la cuisinière s'était sauvée sur le zèbre. « Est-ce qu'ils sont morts tout à fait ?» fit Zinnie en ouvrant de grands yeux. « Non, heureusement, car voilà qu'à la lisière de la forêt, ils eurent la chance de rencontrer un grand, grand monsieur qui conduisait un petit hôte... Non, je veux dire un cabriolet attelé d'un petit poney. « Un poney, qu'est-ce que c'est ?»« C'est un petit cheval, pas plus haut que Bun. » « Un poney, je suis un poney !» cria Bun qui se mit à ruer et à hennir. Et le cabriolet était plein, plein jusqu'au bord, de quoi? Qui est-ce qui va le dire le premier? La question se perdit dans un cri général de « Orange, n'orange, orange !» parti à la fois de toute la petite troupe. Boyne, au moment pathétique, venait de défaire ses ballots et tout sautait et se bousculait dans une joie que Scopie et la nounou s'efforçaient en vain de modérer. « C'est le moment, » dit Boyne. « Nous filons à la cathédrale. » Il passa la main au bras de Judith et l'entraîna à travers le cloître dans la grande nef spacieuse et retentissante. Venant de la terrasse inondée de lumière, l'intérieur leur parut d'abord noyé dans une pénombre impénétrable, mais peu à peu, à travers la demi-obscurité, les murs et les voûtes formidables se mirent à rayonner d'une lueur surnaturelle, qui était la gloire d'or sourd et le soleil solide et vitrifié des mosaïques sur lesquelles les grands fantômes de saints, de rois et de prophètes alignent leur solennel cortège. Boyne mena la jeune fille vers un des piliers de la nef, et ils s'assirent côte à côte sur la large base de la colonne. « D'ici, vous serez bien pour voir. » Mais il s'aperçut aussitôt qu'elle ne voyait rien. Son petit profil était bien dirigé dans une expression attentive vers le point qu'il lui désignait, la tête renversée et béante et ses longs cils collés à la peau de l'arcade sourcilière, comme un petit éventail de plumes. Mais il ne se passait rien sur le reste du visage, où à l'origine se pressait une telle foule d'émotions. Elle resta ainsi longtemps sans mouvement et sans parole. Enfin, elle se tourna et lui dit avec gêne, c'était la première fois qu'il la trouvait timide, « J'ai peur d'être encore plus sotte que vous ne pouviez vous le figurer. » « Sans doute tout cela ne vous dit rien. » Elle baissa la voix. « Ces géants me font un peu peur. » « Je suis bien contente, » ajouta-t-elle, « de ne pas avoir amené Chip. »« Enfant !» Et il posa la main en souriant sur la sienne. Quel enfant, en effet, aussitôt qu'elle n'était plus entourée de ses poussins. « Mais vous savez, je veux comprendre, » ajouta-t-elle gravement. « Parce que vous trouvez que c'est beau et Scopy dit que vous savez tout. »« Ce n'est pas une affaire de science, » commença-t-il. Mais il s'arrêta aussitôt. Au fait, elle avait raison, cette petite. C'était bien là toute l'affaire. Combien de milliers d'associations, d'images accumulées, que de souvenirs de lecture, de tableaux, de récits d'histoire, allaient et venaient entre Boyne et ses créatures surhumaines et jetaient un pont d'un monde à l'autre. Mais oui, c'était absurde de s'imaginer qu'une enfant de 15 ans qui ne savait rien du passé, aussi désarmée qu'une petite sauvage devant le symbolisme subtil du Moyen-Âge, serait capable d'éprouver devant ce chef-d'œuvre autre chose que l'effroi de son étrangeté. Et pourtant, ce lui fut une petite déception, tout occupé déjà, en homme qu'il était, à la folle entreprise de parer la femme qui lui plaisait de toutes les qualités qui lui rendaient la vie agréable à lui-même. Une femme, mais ce n'est pas même une femme, c'est une enfant. La prendre pour autre chose, il ne manquait plus que cela, c'était le bouquet. Obscurément irrité contre lui-même et la jeune fille, il se leva et tourna le dos avec un peu d'impatience au gouffre doré de l'abside. « Allons, venez. Il fait frais ici après un bain de soleil. Retournons au jardin. C'est encore ce qu'il y a de plus beau. » Sur le seuil, elle s'arrêta un moment et jeta un regard de regret le long de la perspective sublime. « Je sais bien qu'un jour il faudra que je revienne ici. »« C'est dit. Nous reviendrons ensemble, » fit-il, « pour dire quelque chose. » Mais une fois au soleil, au milieu de sa couvée qui se précipitait sur elle pour la conduire avec des gambades et des cris vers la nappe du goûter, elle se retrouva instantanément une petite femme gaie, active, précise, maîtresse d'elle-même et de la situation. Décidément, plus Boyne la voyait et plus elle l'intriguait, moins il réussissait à la situer exactement. Son âge. Il pouvait flotter de 15 à 17 ans. Jolie, il n'aurait su le dire. Tout à l'heure, dans la cathédrale, elle lui avait paru tout à fait ordinaire avec sa bouche un peu béante, son teint de palote, presque fade, quand la gaieté ne l'éclairait pas. Sa masse de cheveux châtains est tout à fait quelconque, sans rien de cette électricité qui donne à certaines chevelures autant de magie qu'aux lèvres, et ce petit nez insignifiant, qui n'avait ni la perfection de celui de Blanca, ni le comique effronté de celui de Zini. À ces moments-là, la jeune fille n'avait vraiment rien pour elle. L'inventaire était négatif. Ici, en plein soleil, sans chapeau, décoiffé, avec toute la marmaille qui lui grimpait sur les épaules, sa bouche semblait une flamme, ses yeux une source de joie, tout son être un rayon de lumière. C'était une créature en quelque sorte intermittente. Son corps ne paraissait qu'une émission du sentiment. La projection successive et à peine physique de ses craintes et de ses ardeurs, presque sans substance propre, sans un atome d'égoïsme. Comment cette créature sans poids et sans matière se trouvait-elle la fille de réalité aussi compacte que l'était le ménage Water? Pour retrouver Joyce Mervyn telle qu'il se la rappelait, grande, forte et bien en chair, c'est Blanca qu'il fallait regarder. Judith, elle, c'était une idée, une vision, un souffle, tout le contraire de Madame Water. Le pauvre Boyne s'y perdait. Quand la petite bande, lasse et tombant de sommeil, se rembarqua dans l'automobile, Il n'avait pas encore réussi à trouver à qui Judith ressemblait, et moins encore à quoi s'en tenir sur sa beauté. Ce soir-là, le sommeil le surprit en train de tourner une lettre à Madame Rose Sellers. « Je serais curieux de savoir ce que vous en diriez. Une drôle de petite personne qui change d'heure en heure et qui n'a pas l'air d'être une figure réelle, excepté quand elle fait la maman. Alors, elle vous étonnerait. En dehors de ces instants-là, on cherche quel est son être véritable, et ce qu'on trouve, c'est un instrument où le vent joue, un miroir où se mirent les nuages, une espèce de plaque sensible, combien sensible et combien frêle. » Et par un geste de prudence, juste au moment où il sentait qu'il allait s'endormir, il ajouta « Pas joli pour deux sous, du reste. Quel dommage !»